s'ennuie pas. Quand on habite rue des Jardins, on papote avec les voisins et on coupe la pelouse à ras. On reçoit 5-6 fois par mois. Faut plus qu'il reste rien dans les plats. Et quand y a plus rien dans le frigo, ben on s'invite au casino. On s'en est pas à des mobiles, car on vadrouille de ville en ville. Angers, Cherbourg, où y a tel bœuf, y a pas d'âge pour faire la teuf. Lundi s'échappe à la poussière, on sort tous les serpillières. Quand tout est propre, reste la peinture. On refait une pièce à toute allure. Mardi c'est prône, nade à Carrefour. On lit le journal, on fait un tour. On papote avec les copines, on se souvient en baratine. On ne s'ennuie pas à des mobiles, car on vadrouille de ville en ville. Angers, Cherbourg, Mondeville, Elbeuf, y'a pas d'âge pour faire la teuf. Jeudi, on glane des pommes de terre, on s'occupe un peu du jardin. On prend des nouvelles des bambins, aurait-il besoin d'un coup de main. Vendredi, on trouve le temps long, on a regardé tous les feuilletons. Vivement demain, soirée choucroute, vivement dimanche, on prend la route. On ne s'ennuie pas à des mobiles, car on vadrouille de ville en ville. Angers, Cherbourg, Limoux, Elbeuf, y a pas d'âge pour faire la teuf.